Mes chers concitoyens, nous avons quelque chose à vous dire. En deux mots, deux mois. Oui, deux mois offerts. En effet, quand le gouvernement a annoncé un plan de soutien au secteur automobile français, nous avons décidé d'y contribuer en offrant deux mois sur la formule Tourisque Leasing pour tout nouveau véhicule acheté en leasing. Et oui, si Direct Assurance a été élu service client de l'année 2020, ce n'est pas pour rien. Direct Assurance, intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Coordonnées de l'intermédiaire et conditions de l'offre sur directassurance.fr. Étude BVA Group visée OCI 2019, info sur escda.fr. Aujourd'hui dans l'affaire sensible, l'affaire Flactif ou la tuerie de Grand Bornand. Le 12 avril 2003, dans cette commune du Grand Bornand, en Haute-Savoie, bien connue des skieurs, une famille entière disparaît. Le père, la mère et les trois enfants sont introuvables. Les jours passent, la gendarmerie est alertée, les journalistes prévenus, tous se plongent dans cette mystérieuse disparition. On parle d'ailleurs d'affaire Godard de haute montagne. La personnalité du père Xavier Flactif concentre toutes les interrogations. Ce promoteur immobilier, réputé fonceur et charismatique, aurait des ennuis financiers, dettes, escroqueries, projets annulés. Autant de raisons de fuir du jour au lendemain sans prévenir personne. Les témoignages des habitants de la petite ville se succèdent. Tous relaient l'image d'un homme à la personnalité trouble. Sauf que l'enquête avance. Le chalet commence à livrer ses premiers secrets. Du sang, une douille de revolver, un ADN mystérieux. Le domicile des Flactifs a été le théâtre d'une violence inouïe. La piste de l'assassinat se renforce. Mais qui ? Le père de famille ? Un voisin ? Un client mécontent ? Pour quel mobile ? Et puis, où sont les corps ? Pendant des mois, les enquêteurs vont tenter de répondre à ces questions, jusqu'à ce que la piste criminelle se concrétise et révèle dans son sillage l'horreur, celle d'un massacre perpétré par une connaissance de la famille, un voisin, un habitant de la ville, reconnu coupable par la justice, David Otia. En seconde partie de l'émission, nous recevons Luc Brossolet, avocat en 2006, il était en charge de la défense de David Otia, justement. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonob, avec l'appui de Léa Dupouy-Henquin et des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Coyenne Guyenne et Jérôme Chélius. À la technique aujourd'hui, Serge Viguier, Jonathan Kietz. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 12 avril 2003, 8h du matin, un avion se pose à l'aéroport de Lyon. Mario Leblanc, jeune adolescent de 14 ans qui vit chez son père à Beuvry dans le Nord-Pas-de-Calais, débarque. Il prend un taxi direction le Grand Bornand. 2 heures de trajet, l'odeur des sapins, la neige abondante et les sommets, tout cela réjouit le jeune garçon. Les vacances, enfin. Il vient retrouver sa mère, Graziella Ortolano, son beau-père, Xavier Flactif, ses deux demi-sœurs, Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, et son demi-frère, Grégory, 7 ans. Malgré la distance et le second mariage de sa mère, les retrouvailles sont toujours très heureuses. Le taxi arrive au Grand Bornand. La petite ville d'environ 2000 habitants, au milieu d'un très grand massif forestier, est une station de ski réputée, authentique, loin, bien loin de ces barres d'immeubles gigantesques des stations de haute altitude qui défigurent le paysage. Les plus beaux chalets, ils sont au Chinaillon, quelques mètres en amont du Grand Bornand. C'est là que se gare le taxi devant chez les Flactifs. Mario descend du véhicule, emprunte le petit escalier pour accéder à l'entrée du domicile. Il frappe à la porte. Aucune réponse. Il remarque que toutes les fenêtres sont fermées. C'est bizarre. Sa mère sait pourtant qu'il doit arriver vers cette heure-là. Il essaie de l'appeler, tente de joindre son beau-père et ses sœurs. Personne ne décroche. Le temps passe et l'inquiétude grandit. Après avoir laissé un mot sur la porte du chalet, il gagne le restaurant du village où il croise Christine, une amie de sa mère. Il lui fait part de son inquiétude. Ensemble, ils se renseignent auprès des voisins, des collaborateurs, du couple, des amis de la famille. Rien. Personne ne les a vus ce matin. Dans la soirée, ils appellent la gendarmerie. Christine décide alors de retourner au chalet. Et là, elle remarque que la voiture des Flactifs n'est pas là. L'une des portes est restée ouverte. Alors elle entre. À l'intérieur, il n'y a personne. Tout est parfaitement rangé. Ce qui est plutôt inhabituel pour ce chalet qui d'ordinaire déborde de vie dans le bazar quotidien d'une famille nombreuse. Mais là, rien. Pas un mot, pas une trace. Alors, l'inquiétude se transforme en angoisse. Mario insiste auprès des gendarmes qui se mettent sur l'affaire. Le 19 avril 2003, voilà une semaine que les Flactifs n'ont pas donné signe de vie. La rumeur gagne le village. Les enfants ne se sont pas présentés à l'école. Les voisins assistent au bal des gendarmes devant le domicile des disparus. Un appel à témoins est lancé et très vite, les médias prennent le relais. Madame, Monsieur, bonsoir. Et pour commencer ce journal, l'inquiétude au Grand Bornand. Depuis une semaine, en effet, on est sans nouvelles d'une famille, un couple, trois enfants. Les gendarmes ont fait des recherches qui n'ont rien donné. Le parquet d'Annecy lance un appel à témoins, car pour l'instant, les enquêteurs n'ont aucune piste. Non, aucune piste. Les enquêteurs savent l'importance des premiers jours d'une enquête. Les hélicoptères sillonnent la région, les chiens policiers parcourent les environs, les voisins sont interrogés. On suit de près les mouvements bancaires et les appels téléphoniques. Une seule conclusion est établie. La dernière fois que la famille Flactif a été vue, c'était le vendredi 11 avril vers 18h30, la veille de l'arrivée de Mario. Du côté du chalet, un élément laisse perplexe les enquêteurs. Entre la première et la seconde visite des gendarmes, des objets ont disparu. Des DVD, des fauteuils, du matériel informatique. Quelqu'un est-il passé dans le chalet entre les deux visites des enquêteurs? Il n'y a aucune trace d'effraction. La famille Flactif serait donc revenue sur ses pas. Interrogé par la presse, le procureur d'Annecy, Denis Robert Charot, revient sur la première piste que suivent les enquêteurs, le passé de Xavier Flactif. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que c'est une famille qui disparaît. Un couple, lui a 40 ans, trois enfants âgés de 10, 9 et 7 ans. On a des disparitions régulièrement, mais d'une personne seule. De 5 à la fois, c'est tout à fait exceptionnel. Ce monsieur était promoteur immobilier. Son métier était de construire des chalets et ensuite de les revendre. Il habitait un des chalets qui avait été construit récemment. Parallèlement, mais il n'est pas possible aujourd'hui de faire un lien, mais c'est vrai que chacun peut y penser. J'avais saisi un autre service, un service financier d'une enquête, parce qu'il semble que cette personne était interdite de gestion suite à une affaire qu'il avait eue précédemment dans le nord de la France, où il exerçait aussi comme agent immobilier. Et on souhaitait vérifier qu'il respectait cette interdiction de gérer. C'était une enquête qui était en cours, qui avait déjà commencé. On avait saisi le service il y a quelques semaines. Eh oui, chacun peut y penser, et les médias ne se font pas prier. D'entrée de jeu, tous les regards se tournent vers le père de famille. La question est sur toutes les lèvres, qui est Xavier Flactif? D'origine antillaise, il est un promoteur immobilier connu dans la région, mais sa réputation est sulfureuse. Arrivé 5 ans auparavant, on lui reproche son affairisme, ses escroqueries, ses chalets mal finis, ses projets trop ambitieux. Alors les témoignages se succèdent, et ils vont dans le même sens. On sent comme une rancœur à l'encontre d'un homme un peu « m'as-tu vu » avec sa grosse voiture qui ne se prive pas d'afficher sa réussite. Xavier Flactif, agacé à tel point que l'un de ses chalets dont il s'occupait a été incendié il y a un peu plus d'un an. Les journalistes se plongent dans le passé de cet homme trouble. Dans le Nord, où il habitait auparavant, même son cloche. Ses affaires tournaient mal. Il existe même une association, la DAG, qui regroupe des personnes usurpées, escroquées. Parmi elles, plusieurs ont été arnaquées par Xavier Flactif et s'apprêtaient à porter plainte. Et ce n'est pas tout. En Savoie, il vient de subir un terrible échec. Son grand projet de construction, obtenu au grand dam des autres promoteurs de la région, a été annulé, pas assez de garanties financières. Alors, acculé, il aurait pris la fuite avec femme et enfants. Parmi toutes ces prises de parole, il y en a une qui interpelle journalistes et enquêteurs. C'est celle de la dernière personne à avoir vu Xavier Flactif. Un certain David Otia, garagiste dans la région, qui vient d'emménager dans un chalet à côté de celui des disparus. Interrogé par France 2, il explique les circonstances de sa dernière rencontre avec Xavier Flactif et donne son avis sur le personnage. Il était avec sa femme, avec son 4x4 Toyota Land Cruiser. Il m'avait demandé de déposer les clés de son chalet pour les vacanciers, quoi, puisqu'il ne retrouvait pas les doubles. Donc voilà, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Quoi. Et comment était-il à ce moment-là? Bah, toujours énervé, pressé. Ouais, j'ai trouvé comme d'habitude, quoi. Pressé. Un vrai renard. Savoir toujours parler aux gens, détourner. Même des entreprises qui travaillaient avec lui, qui voulaient plus, il arrivait toujours à les revoir et puis à les endormir, quoi. L'occasion. On est arrivé par rapport à lui dans la région, quoi. On avait vu pour une location. Il y a 1 an et demi, 2 ans, où je devais louer un chalet qui était en construction, mais comme il a jamais terminé, donc il nous a mis à droite, à gauche pendant un an et demi, quoi. Donc on a fait une dizaine de chalets sans que les propriétaires étaient au courant, donc on lui payait un loyer, et bon, je sais pas comment ça s'est allé, quoi. Ça vous étonne, sa disparition? Bon, y a beaucoup de gens qui en parlaient dans la région, mais bon, aussi vite, ça me semble bizarre quand même, quoi. Pendant ce temps, l'enquête suit son cours. 2 semaines après la disparition de la famille, un nouvel élément surprenant s'ajoute au dossier. Des témoins racontent. Un 4x4 rouge, c'est un gros 4x4. Hein. Il est resté là-bas à peu près 8 jours, à peu près. C'est son 4x4, ça c'est sûr. Parce que moi, le gendarme m'a demandé si j'avais mis un 4x4 là, qui m'a dit rouge et blanc, et je lui ai dit non, il n'est pas rouge et blanc, il est bordeaux, couleur toy. Et il m'a dit c'est son 4x4. C'est cela. Plusieurs personnes ont repéré la voiture de Xavier Flactif sur un petit chemin de Lignières à 7 km Grand Bornand. La voiture est égarée depuis le 12 avril à cet endroit et quelques jours après, elle a disparu. La thèse de la fuite se renforce. De leur côté, les enquêteurs avancent. Une équipe de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, a investi le domicile des Flactifs. Les voisins assistent à la ronde des agents en tenue blanche, masque sur le visage. Et le chalet commence à révéler ses secrets. Le réfrigérateur est plein. Deux casseroles sont sur la cuisinière, signe d'un repas prêt à être servi. Dans l'une des chambres, un énorme bout de moquette manque, caché par un tapis. Au fil des inspections, le tableau s'assombrit. On repère des petites traces de sang entre les lattes du parquet, une douille de pistolet et, le plus terrible, un morceau de dent de lait. Que s'est-il passé dans ce chalet ? En l'absence de témoins et malgré ces éléments, la thèse de la fuite et la personnalité de Xavier Flactif continuent de cristalliser l'attention. Sur le bureau des enquêteurs, les indices s'accumulent, mais la question reste entière. S'agit-il d'un enlèvement, d'une fuite ou d'un crime ? On se perd en conjectures et les policiers butent toujours sur la même difficulté. Comment relier ces indices entre eux ? Comment élaborer un début de scénario ? Alors c'est vrai que certains indices ont parlé. Les taches retrouvées se sont avérées être du sang humain, mais c'est une autre histoire d'en connaître l'origine. Il y a cette dent, cette douille, ces ordinateurs disparus, et puis surtout, l'histoire de Xavier Flactif. On sait son goût pour l'argent, on sait surtout la multitude d'embrouilles qui entourent ses opérations immobilières. Et à chaque fois le même scénario, l'escroc se trouve de nouveaux ennemis, les entreprises qui ne sont pas payées, les fournisseurs qui réclament leur dû, et les propriétaires qui dénoncent les malfaçons. Mais Xavier Flactif n'en a cure, il veut toujours plus décrocher enfin le gros chantier qui mettra un terme à cette lente dérive. Manigaud, à 15 km de son domicile, était sans doute la chance à saisir. Alors il a parié sur un programme gigantesque et prévendu trop vite des habitations pour lesquelles il n'avait aucun permis de construire. C'est de l'escroquerie de grande envergure, une fuite de plus, avant l'autre, l'ultime, qui l'obligea sans doute à décrocher avec femme et enfant. Les enquêteurs affinent leurs recherches. L'équipe scientifique utilise sa fameuse technique du Blue Star, qui révèle des taches de sang qu'on a essayé d'effacer. Et dans la pénombre, d'où jaillit seulement la célèbre lumière bleue fluorescente, c'est l'effroi. Tout le chalet est recouvert de sang. Au sol, sur les murs, dans différentes pièces, tout a été soigneusement nettoyé. Reste à identifier à qui appartient ce sang découvert. Cheveux, mégots de cigarettes, morceaux de dents sont analysés. On les compare avec les taches de sang. Le 5 mai, trois semaines après la disparition de la famille Flactif, le procureur Denis Robert Charot vient annoncer le résultat des tests. Il évoque les différentes pistes. Sur les traces de sang relevées, il a pu retrouver les 5 ADN de la famille Flactif. Ça veut dire, en langage plus clair, qu'il y a du sang qui provient de chacun des membres de la famille Flactif. Vous avez plusieurs hypothèses. Chaque hypothèse, si vous la confrontez aux éléments du dossier, vous trouvez des éléments pour la conforter. Vous trouvez aussi quelques éléments pour l'affaiblir. Les analyses sur les projections de sang livrent un verdict effrayant. Les victimes auraient été frappées avec un objet contondant, type batte de baseball ou autre, battues à mort les unes après les autres. Alors, la thèse de la fuite s'éloigne. Et pourtant, une semaine après ses premiers résultats, le 13 mai, la voiture de Xavier Flactif est retrouvée à proximité de l'aéroport de Genève. À l'intérieur du véhicule, les policiers découvrent les traces de sang des membres de la famille Flactif. Pour les proches, il n'y a plus de doute, ils sont morts. On essaye depuis le début de maquiller la tuerie, on essaye de faire croire à une fuite, mais ils sont morts. Les enquêteurs entendent de nouveau les voisins, les proches, la famille. Ils détiennent un élément capital dans l'enquête, un sixième ADN inconnu. L'information finit par sortir dans la presse. Alors immédiatement, de nombreuses personnes appellent la gendarmerie pour prévenir. Forcément, elles sont passées chez les Flactifs avant leur disparition. Elles ont pu laisser leur empreinte génétique. C'est gênant, voire dangereux. Un homme en particulier affirme qu'il s'est coupé dans le chalet des disparus. Le même homme qui, depuis le début, observe de près l'avancée des enquêteurs. C'est lui qui est intervenu à plusieurs reprises dans les médias pour dresser un portrait peu flatteur de Xavier Flactif. Et il est le seul à hésiter lorsque les policiers lui demandent une prise de sang pour la comparaison ADN. Cet homme, c'est David Otia. Placé sur écoute, l'étau se resserre. La route chante, quand je m'en vais, je fais trois pas, la route se tait, la route est noire, à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus sur la marée haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. Septembre 2003, le temps s'est écoulé depuis la disparition de la famille Flactif. Petit à petit, la couverture médiatique s'est dissipée. L'été passe, au Grand Bornand, la rentrée scolaire se fait sans les enfants Flactif. Jusque-là, aucun élément nouveau n'est venu faire avancer l'enquête. Mais le 16 septembre, tout bascule. L'espoir de retrouver vivante la famille Flactif s'amenuise. On apprend que 4 personnes, 2 couples ont été interpellés. C'est un rebondissement. Il s'agirait de voisins, voire de proches de la famille disparue du Grand Bornand en Haute-Savoie depuis le mois d'avril dernier. Au petit matin, David Otia, sa femme Alexandra ainsi qu'un autre couple, Stéphane et Isabelle Aremza, sont interpellés. Ce sont des amis des Flactifs. Une demi-heure après être entré dans le bureau des gendarmes, David Otia avoue et raconte tout. Otia est entouré de 3 gendarmes. 2 l'interrogent pendant que le troisième note scrupuleusement son récit. Le 11 avril 2003, en fin d'après-midi, il s'est rendu chez Xavier Flactif avec la ferme intention de régler un problème de logement qui durait depuis des mois. Il arrive au chalet en même temps que les 3 enfants qui rentrent de l'école. Les parents arrivent une 20aine de minutes plus tard. Xavier et David commencent à discuter. Très vite, le ton monte. Ils en viennent aux mains. David Otia sort son revolver. Le coup part. La balle touche Xavier Flactif qui s'écroule. Paniqué, David Otia pointe son arme vers les 2 enfants et les tue. Puis il descend au sous-sol où se trouve la mère Graziella. Il lui tire une balle dans la tête. Laetitia, l'aînée, est dans sa chambre à l'étage. Elle subit le même sort. La batte de baseball ou autre objet contondant est devenue revolver. Otia transporte les corps un par un dans la voiture de Xavier Flactif. Ensuite, il nettoie le chalet. Après avoir effacé toutes les traces, il décide d'aller brûler les corps. Il passe d'abord chez lui récupérer des bidons d'essence, puis prend la route à bord du véhicule déflactif. Il dépose les cadavres les uns sur les autres pour faire un tas. Il allume et il reste devant ce feu macabre pendant 2 heures, peut-être 3. Il fait nuit. Puis il remonte dans la voiture, la gare dans la commune d'Entremont, et rentre chez lui, à pied. En quelques minutes donc, David Otia a avoué. Il explique qu'il a besoin de parler pour soulager sa conscience. Dans le même temps, les enquêteurs interrogent sa femme et le couple d'amis. Tout s'est courant du geste de David Otia. Les versions diffèrent sur certains points, tout de même, notamment l'ordre des victimes. Pour Alexandra, il a d'abord tué les enfants. Tous les autres témoignages accablent David Otia. Oui, c'est bien lui qui a déplacé la voiture à l'aéroport, c'est bien lui qui est repassé voler des objets le lendemain, et puis il indique aux enquêteurs l'endroit où il a brûlé les corps. Les gendarmes y retrouvent les ossements appartenant aux victimes. Dehors, les journalistes se sont regroupés. L'avocate de David Otia est interrogée. Face à l'ampleur des révélations, que peut-elle dire ? S'il réalise vraiment, bon, il sait qu'il a fait une bêtise, il sait qu'il va le payer, il sait qu'il va, il risque d'être éloigné de la société pendant un certain nombre d'années. Au-delà, c'est pas un être sanguinaire et bon, il est comme vous et moi, j'allais dire, hein, malheureusement. Effectivement, il a une famille. Il n'a pas pensé à eux quand il a fait ces choses-là, ou peut-être il y a trop pensé, je ne sais pas. Qui est David Otia et surtout comment expliquer un tel massacre ? Originaire du Pas-de-Calais, blond, le regard bleu, plutôt athlétique, David Otia est ouvrier qualifié dans l'automobile. Après avoir été licencié d'un garage dans le Nord, il trouve un emploi de saisonnier grâce à son beau-père en Haute-Savoie, du côté du Grand Bornand. L'endroit et la région plaisent à la famille Otia. Alexandra tombe sur une petite annonce, un chalet en location du côté du Chinaillon. C'est Xavier Flactif qui s'occupe de la gérance. Il accepte le dossier de la famille Otia, mais il y a un problème. La construction du chalet n'est pas encore terminée. Xavier Flactif propose alors au couple d'emménager dans un autre appartement, en attendant. Oui, sauf que la situation s'éternise. Pendant de longs mois, les Otia attendent le chalet. Ils sont trimballés d'appartement en appartement. Petit à petit, leur agacement se transforme en haine. Ils se sentent humiliés par Xavier Flactif, jusqu'à commettre l'irréparable. D'ailleurs, après le crime, Alexandra Lefebvre écrira un faux contrat de location et la famille emménagera dans l'un des chalets voisins de celui des Flactifs. Un chalet, une jalousie qui débouche sur un quintuple assassinat. Enfin, comment est-ce possible ? Les enquêteurs, les journalistes, les proches des victimes, tous restent sans voix. Dans le village, c'est la stupeur. Après des semaines à accabler Xavier Flactif, on rend hommage à la famille et on dit sa surprise d'avoir côtoyé tout ce temps le suspect et ses complices. La population bornandine est très très choquée, très indignée. Je crois que la pensée de tout le monde et des bornandins va évidemment aux familles de Xavier Flactif et de Graziella. Et nous sommes effondrés de cette fin tragique. Je pense que jusqu'au bout, tout le monde espérait... quelque part, que les enfants sont au soleil et non pas dans cette fin horrible. Mais j'y croyais pas, c'est parce qu'ils n'ont pas des têtes de tueur, ils n'ont pas... ça surprend. Voilà, si vraiment il a fait ça, ben il va payer, et puis voilà, c'est tout ce qu'il mérite. Mais c'est vrai qu'à peu près 15 jours, 3 semaines après la disparition des Flactifs, il est venu s'installer là. Les aveux circonstanciés, les détails fournis, les traces d'ADN, évidemment, dans ces conditions, David Otia est incarcéré. Mais 3 semaines environ après son arrestation, il revient sur ses aveux. Alors il change d'avocat et de stratégie. Ce n'est pas lui qui a tué la famille Flactif. Il était bien présent ce jour-là pour discuter de leur affaire, mais 2 hommes sont entrés, l'ont assommé, et avec son arme, ils ont tué toute la famille. Puis les assassins l'ont contraint à faire disparaître les corps. Les enquêteurs sceptiques lui demandent l'identité des 2 hommes. Otia répond qu'il ne peut pas parler, qu'il doit protéger sa famille. Quelques mois après, une reconstitution est organisée sur les lieux du drame. Premières images de David Otia depuis son arrestation. Embourbé dans son casque et l'immense gilet pare-balles habituel dans ce type d'opération, il raconte sa version. Il montre aux enquêteurs où il est tombé après avoir reçu le coup des 2 hommes. Problème, aucune des traces relevées ne permet de justifier l'endroit indiqué par David Otia. Pour le reste, il refuse de reconstituer sa première version et se mure dans le silence. Le 15 juin 2006, plus de 3 ans après la disparition des Flactifs, le procès de David Othia, d'Alexandra Lefebvre et du couple Arenza s'ouvre à Sevrier, en Haute-Savoie. Le tribunal est en travaux, c'est donc dans une salle des fêtes que se déroulent les débats. L'ambiance est pesante. Les proches de la famille Flactif portent un t-shirt sur lequel sont imprimées les photos des victimes. David Othia apparaît en chemise blanche, amaigri. Tous le savent, il s'apprête à plaider non coupable. Alors il maintient sa nouvelle version. Son avocat, Luc Brossolet, explique comment il compte défendre son client. Les faits tels qu'ils sont reprochés à David Othia par l'accusation sont des faits dont plusieurs personnes s'accordent à dire qu'ils ne peuvent pas avoir été commis par un seul homme. C'est tout. Une fois que l'on sait cela, on n'a plus à s'interroger sur la crédibilité de David Othia. On se dit il y a un doute, et ce doute doit profiter à l'accusé. France Inter, affaire sensible, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, l'avocat que vous venez d'entendre, Luc Brossolet, il défendait David Othia en 2006. Les premiers jours du procès sont consacrés au parcours de David Othia et à son profil psychologique. L'accusé a le visage tendu, le front plissé. Il agite souvent la jambe, respire fort et sourit nerveusement. Il se calme au moment de raconter son enfance, ses passions pour la pêche et les voitures. Mais il se braque lorsqu'on évoque ses accès de violence dans le passé. On raconte la galère, les licenciements répétés, son comportement hautain qui lui a valu bien des déboires. Puis on en vient aux faits. Ils sont établis. L'incendie du chalet des Flactifs, un an avant le drame, c'est lui. Les experts psychiatres se succèdent. Pour eux, David Othia n'est pas fou. Il a développé à l'encontre de Xavier Flactif une jalousie qui s'est transformée en haine. Il a vu dans la réussite de cet homme le reflet de son propre échec. De son côté, David Othia maintient sa version des faits, accuse toujours 2 hommes, mais refuse toujours de les identifier. Alors on se tourne vers sa femme, Alexandra Lefebvre. Elle se présente, elle, comme une victime. Le tribunal décide alors de diffuser un reportage du magazine 7 à 8 réalisé quelques semaines après la disparition des Flactifs. David Othia et sa femme s'expriment. La suite, c'est le journaliste de France Inter, Christian Binner, présent au procès, qui la raconte. Accablant. Cette interview du couple Othia a complètement démonté le personnage de la Mater Dolorosa. Ce matin, Alexandra Lefebvre, d'une voix contrite, racontait qu'elle n'avait jamais cru aux menaces de mort d'Othia, qu'elle est tombée de haut lorsqu'au petit matin blême, il l'a réveillée en lui disant « ça y est, j'ai liquidé toute la famille ». Qu'il l'a forcée ensuite à l'aider à cacher le 4x4 de Flactif, puis à les noircir au maximum lorsque TF1 est venu les interviewer, qu'elle craignait pour sa vie et celle de ses enfants, car c'est sacré les enfants, dit-elle. Et puis est projeté ce reportage, et là on voit et on entend une houerie d'une vulgarité rare qui monopolise la parole, tandis qu'Othia lui reste à l'arrière-plan. Morceau choisi. Au moment de nous signer notre bail, ce con-là, il se barre. Si ça se trouve, il s'est barré sur son bateau. Elle le traite d'escroc, fait état de rumeurs de mafia, car sa femme est d'origine italienne, colporte les ragots du village, accrédite sans arrêt la thèse d'une fuite de la famille Flactif, traquée par ses créanciers. Elle crache « ce con-là, si c'était en Corse, il serait au fond de la mer avec une pierre autour du cou ». Précision, elle sait depuis 3 semaines que toute la famille a été massacrée par Othia. Alors autant dire que l'image de la femme en détresse, manipulée par un ogre, s'est effacée derrière l'odieuse manipulatrice que ce film a montrée. Le masque tombe. Pour David Othia, les enjeux du procès tournent maintenant autour de la qualification des crimes et donc de la peine. S'agit-il d'un meurtre ou d'un assassinat? Autrement dit, y a-t-il préméditation? Pour les 3 autres, sa femme et le couple Arenza, on parle de complicité. Mais il reste des zones d'ombre. Les armes utilisées, la difficulté à transporter les 5 corps sans aide s'il n'y a pas eu d'aide, l'absence de témoins au moment des faits, la crémation des corps. David Othia a-t-il pu agir seul? En même temps, les preuves sont accablantes. Les nombreuses traces de son ADN, ses aveux circonstanciés, les témoignages des 3 autres inculpés, la lettre qu'il a envoyée à son père depuis sa cellule, la lettre dans laquelle il se demande comment il a pu faire ça, c'est donc bien qu'il l'a fait. Après 2 semaines de procès, le verdict tombe. David Othia est condamné à la perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Sa femme, Alexandra, celle qui a soufflé sur les braises et balayé les cendres, dira l'avocat général, écope de 10 ans d'emprisonnement. Les époux Arenza, Stéphanie et Isabelle, sont condamnés respectivement à 15 ans et 7 ans de prison. À la sortie du tribunal, on retrouve Mario Leblanc, ce jeune homme qui venait passer ses vacances au Grand Bornand et qui est arrivé le lendemain du drame. Souvenez-vous, c'est lui qui avait découvert le chalet vide et lancé l'alerte. Il exprime son soulagement. Ainsi se termine l'affaire Flactif, qui, curieusement, n'a jamais été dénommée l'affaire Otia, comme il est d'usage pour tous les crimes de sang. En principe, le dossier porte le nom de l'assassin présumé, ou avéré. David Otia fera appel, puis reviendra sur cette décision. Une forme d'aveu? Après tout, jamais il n'a pu prouver que deux hommes étaient là le jour du crime. Dans son silence, David Otia emporte avec lui une partie de la vérité. La réponse se trouve peut-être dans cette phrase de Nietzsche que l'un des experts a citée au cours du procès. « Je ne l'ai pas fait, dit l'honneur, je l'ai fait, dit la mémoire. Et c'est la mémoire qui s'efface. » Pourtant, sauf élément nouveau et fortement improbable, l'assassin de la famille Flactif, pour la justice et officiellement, c'est lui, David Otia. Affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Flactif ou la tuerie du Grand Bornand. Bonjour Luc Brosselet. Bonjour. Maître Brosselet, vous étiez avocat, l'avocat de David Othia en 2006. Alors, c'est vrai qu'interroger, interviewer un avocat qui a défendu un homme dont la justice a considéré qu'il est coupable est un exercice assez particulier. Je rappelle, je sais pas quel avocat disait ça, mais il disait être avocat, c'est pas aimer l'accusé, c'est aimer défendre l'accusé. Hein. C'est quand même une différence notable. Pourquoi êtes-vous arrivé dans cette affaire? Car je rappelle, je l'ai dit dans le récit, dans la première phase de l'affaire, Othia avait une autre avocate. Donc pourquoi êtes-vous arrivé dans cette affaire et dans quelles circonstances et avec quelle motivation? Oh, de manière tout à fait classique, David Othia avait une avocate, donc commise d'office, ouais. Comme les autres co-inculpés, commis à un examen. Et il a décidé de prendre un autre avocat, il m'a désigné. Et donc je suis arrivé aux côtés de l'avocate commise d'office. D'ailleurs, avec Didier Lec, je n'étais pas seul. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous vous êtes dit, cette affaire a des zones d'ombre, c'est là qu'il faut intervenir. J'insiste là-dessus parce que globalement, quand on se remémore tout ce qu'on vient de raconter, difficile de ne pas considérer David Othia comme, comme le coupable, l'assassin. Mais il y a quand même des zones d'ombre. Alors, c'est vraiment le cœur de notre rencontre. Quelles sont ces zones d'ombre? Je me permets de donner une première précision, parce que souvent on a dit des choses qui étaient fausses à ce sujet. David Othia change de version et désigne de nouveaux avocats. Puisqu'on a souvent dit que c'est les nouveaux avocats étant arrivés dans le dossier, comme par hasard, celui qui avait avoué le crime qu'on lui reproche revenait sur ses aveux et revendiquait une autre thèse. Pas du tout. David Othia écrit au juge d'instruction pour dire ce que j'ai dit en garde à vue ne correspond pas à la réalité et lui explique ce qui s'est donc passé. Et postérieurement à ça, il désigne des avocats. Donc nous arrivons pour défendre David Othia avec cette nouvelle thèse qui est la sienne et qui n'est pas une thèse inventée par la défense. Et là, il y a autre chose qui me semble très important, c'est que les premiers à ne pas croire les aveux de David Othia en garde à vue, ce sont les gendarmes. Pourquoi? Parce que quand on lit leur procès-verbal de synthèse qu'ils rédigent à l'issue des quatre gardes à vue, ils disent, bon, certes, David Othia a participé, mais il a nécessairement des comparses, des complices, parce qu'un homme seul, et d'ailleurs, à juste titre, c'était rappelé tout à l'heure, un homme seul ne peut pas avoir transporté les corps, procédé à leur crémation et nettoyé le chalet dans le temps qu'il était imparti, c'est-à-dire un temps assez court. Ce n'est pas possible, et il conclut donc, il faut maintenant chercher des complices, car les trois autres ne sont pas complices, ils ne sont pas là pendant les faits, ils ont appris les faits postérieurement. Oui, mais qu'est-ce que ça change? On a quand même David Othia qui participe, est à l'origine du crime, mais il est avec des complices. Qu'est-ce que ça change au bout du compte? Non, ça change. Qu'on a voulu, comme souvent la justice ayant horreur du vide, dénaturer la thèse de David Othia en disant c'est une thèse fantaisiste, il a fait ça seul, c'est l'évidence et ce sont ses aveux. Mmh. Je répète simplement, si c'était l'évidence même, les gendarmes n'auraient pas eu besoin de la démentir comme ils l'ont fait. Les gendarmes, donc, ne croyant pas que David agit seul, vont continuer leur enquête et vont essayer de trouver des complices. Et c'est pour cette raison extraordinaire qu'ils n'en trouvent pas, qu'ils vont finir par admettre qu'il était seul. D'accord. Mais je trouve que, d'un point de vue policier, d'un point de vue de l'enquête, c'est pas très convaincant. C'est pas parce que vous ne trouvez pas les complices que vous estimez devoir exister, dont vous estimez qu'ils existent nécessairement, qu'il n'y en a pas. Alors on peut pas interviewer tout le monde, on fait pas un débat. Donc les gendarmes, j'imagine, diraient le contraire. Mais... Ah non, mais ça, c'est ce qu'ils écrivent. Ils l'écrivent. Alors, les preuves matérielles quand même, on a quand même des preuves matérielles qui accablent David Othia, l'ADN, retrouvé à plusieurs endroits, le revolver qu'il a envoyé à son frère, qui correspond à la douille retrouvée, ses aveux. Donc, vous allez le défendre, vous, à partir de cette situation-là. C'est quoi la porte d'entrée? Alors, au-delà de la responsabilité partagée, s'il a des complices. Alors, je vous remercie de votre question, parce que ça permet de préciser une chose. Ce qu'à vous... David Othia, si tant est que cela corresponde à la vérité, ce n'est pas un crime commis avec préméditation. Oui. Ce n'est pas un assassinat. Ce qu'il explique, c'est qu'il s'est rendu sur les lieux... Deux jours avant, quand même. ...pour menacer Flactif avec un policier, avec une arme qu'il détenait et qu'il avait essayé et il avait constaté que cette arme ne fonctionnait pas. Mmh. Et il va en menacer les enfants d'abord, il va en menacer Flactif... et l'arme va fonctionner, contrairement à ce qu'il croyait, et c'est là que tout s'enchaîne. C'est ce qu'il explique dans ses aveux. Autrement dit, il n'est pas arrivé dans le chalet avec l'idée arrêtée de supprimer cette famille. Alors, ça, c'est sûr. Contrairement à ce qu'a retenu la justice, je crois pouvoir l'affirmer. Pendant l'audience d'assises, on a voulu vérifier si ce que disait David Othiat à propos de cette arme était exact. Et effectivement, un expert a été nommé qui a admis qu'il y avait deux boîtes de munitions pour cette arme et une boîte de munitions, celle avec laquelle David Othiat avait fait des essais, qui ne fonctionnait pas et qui avait pu lui faire croire qu'effectivement le pistolet avait un problème. Mettez-vous à la place du juge, c'est comme une version. Je sais pas, tout ça est un peu difficile à croire quand il dit après. Quand il dit après qu'il y a eu en fait deux personnes qui sont arrivées, c'est deux personnes là. Enfin, ça paraît bizarre. Alors, après, avec son arme, on se dit c'est un peu capillotracté quand même. Mettons-nous à la place des juges. On se met à la place des juges. On se met à la place des juges qui ont une explication et pas de preuves. Donc évidemment, c'est ça peut-être qui est difficile à accepter, mais. Considérez par exemple les experts. Les experts sont les gens neutres. Ce sont les experts nommés par le juge d'instruction pour examiner les conditions dans lesquelles a eu lieu la crémation des corps. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent tous ? C'est un collège de trois experts. Unanimement, dans leur rapport, ils expliquent que la crémation ne peut pas être l'œuvre d'un homme seul. D'accord. C'est pas possible. C'est entendu, on l'a dit d'ailleurs. C'est ce qu'ils disent. Oui. Or, dans la version finale, celle que retient l'accusation, celle à la faveur de laquelle David Othiat a été condamné, on dit David Othiat a brûlé le corps seul. Donc la justice, finalement, se satisfait d'une incertitude, vous l'admettrez. Pourquoi il ne peut pas brûler le corps seul ? Parce qu'il faut, pour brûler des corps, c'est très compliqué, les Indiens savent ça, il faut des vrais bûchers, il faut préparer les choses, il faut de la ventilation, il faut beaucoup d'alimentation en bois. Je vous rappelle qu'on est au mois d'avril dans une forêt hivernale où il y a encore de la neige. Bien tout sûr. Ça n'est pas très sec. Donc, il faut avoir préparé les choses. Et David Othiat, s'il avait eu l'intention de tuer cette famille et de la faire disparaître en la brûlant, a si peu préparé les choses que cette crémation est improvisée, rien n'a été préparé et il n'a même pas de quoi brûler les corps. Donc il est obligé de repasser chez lui, chercher de l'essence qu'il aurait pris sinon, pour ne pas avoir fait ce détour. Mais qu'est-ce que, il y a donc là un indice supplémentaire qui va contre toute préméditation, tout état de cause. D'accord, pour ce que c'est la préméditation. Mais qu'est-ce que ça change au bout du compte, puisque effectivement la justice a reconnu des complices qui ont été aussi condamnés. Où est le problème ? C'est pas parce qu'il y a des complices Non. La justice n'a pas admis qu'il y avait des complices dans l'accomplissement des crimes. Elle n'a retenu qu'un seul complice, Monsieur Aremza. Et il n'était complice que parce qu'il aurait fourni, bien avant que ça ne se passe, et pas dans cette optique-là, le gasoil ou l'essence dont se servira David Othiat. Mais il n'a aucune façon participé au fait. Donc ce ne sont pas des complices au sens où l'auditeur donc, pourrait croire. C'est vraiment sur ses épaules qu'on fait monter le... Là, ce sur quoi j'insiste, c'est que dans la thèse finale de la justice, David Othiat est seul. Mmh. Seul. Il est seul à tout faire. Mmh. Or, du point de vue qui n'est pas seulement celui de la défense, mais des gendarmes, comme je vous le disais, ou des experts qui sont penchés sur le problème de la crémation, il ne peut pas agir seul. Je vous rappelle, et quand on dit que la confrontation n'a pas confirmé la thèse de David Othiat, elle ne l'a pas infirmée non plus. Monsieur Flactif était un homme de forte corpulence, très grand et de forte corpulence. Je ne sais plus son poids de tête, mais c'est très important. Il était impossible pour David Othiat, même si c'est un sportif, de hisser seul cet homme mort, donc il y a un certain poids, dans le 4x4. Et c'est assez amusant parce que lors de la confrontation, pour nous persuader tous que c'était possible, on a pris un gendarme, on aurait dit un haltérophile, qui lui est arrivé à soulever un mannequin du poids de Flactif pour le mettre seul dans la voiture. Mais c'était impossible. Alors, on va arriver, c'est très clair, je vous ai bien entendu, on va arriver au procès, donc le verdict tombe, peine maximale pour Othiat, le juge a retenu la préméditation de l'acte, ce contre quoi vous vous battiez, vous, vous défendez l'accès de folie qui aurait justifié une peine moins lourde, pourtant Othiat s'était rendu une première fois chez les Flactifs deux jours avant la tuerie, on l'a dit, alors avec Stéphane Aremza, qui lui au dernier moment aurait reculé, du coup Othiat aussi a reculé, mais Othiat était armé, ça ressemblait à la préméditation. On l'a dit. Alors il décide de faire appel et il renonce à ce second procès. Il renonce à l'appel. On va écouter une archive d'abord, on en discute après. C'est une décision rarissime. La cour d'assises d'appel de Lyon, qui devait rejuger à partir d'aujourd'hui David Otia, a donc décidé finalement d'annuler le procès. David Otia, ce matin même, avait demandé à renoncer à son appel, acceptant donc ainsi la peine de première instance. L'accusé est donc définitivement condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité. Paradoxalement, cette décision ne convient pas à la mère de Gradiella Ortolano, la compagne de Xavier Factif, elle aussi assassinée. Vincenza Ortolano, au micro de Nicole Guillard, a le sentiment de ne pas tout savoir, car David Otia, en fait, n'a pas avoué. On ne sait pas toujours la vérité, qu'est-ce qui s'est passé dans le chalet, de toute façon. On a vu David Otia mourir en regardant en l'air, comme d'habitude. Il est content comme ça, on n'en sait pas plus, de toute façon. On ne saura jamais. Moi, je pense qu'il aurait parlé quand même, avec le temps peut-être, mais il aurait parlé quand même. On avait quand même 10 jours, 15 jours pour faire son procès, et je pense qu'il aurait parlé. Moi, la haine, je l'ai toujours. Les enfants, ils ne sont pas là, mes petits-enfants. C'est bientôt Noël, et je ne les verrai jamais. Tant que lui, là, où il est parti, il va avoir toujours ses enfants. Un jour, il va sortir. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste strictement rien. Pourquoi avoir renoncé à faire appel, puisque certains ont interprété ça comme une sorte d'aveu ? Alors, sans violer le secret professionnel, j'observe que dans ce qu'on vient d'écouter, ça va un peu dans mon sens, puisque des parties civiles disent on ne sait pas toute la vérité. Oui, ce qui s'est passé dans le chalet, elle le dit. Or, pardonnez-moi, quand j'entendais l'avocat général aux assises, il prétendait que tout était clair. Donc il faut croire que même pour les parties civiles, ça ne l'est pas. Pourquoi renoncer ? Écoutez, je ne vais pas trahir le secret professionnel, je crois que les choses sont assez simples. Vous avez un homme qui est seul impliqué dans le meurtre, la disparition de cette famille, donc dans le meurtre, la disparition de 3 enfants. Il a une thèse et il n'a pas les moyens de démontrer qu'elle correspond à la réalité. C'est pas de sa faute, la défense n'a pas les moyens d'enquêter. Moi, je ne peux pas rechercher 2 hommes que la justice ne recherche pas. Donc, il faut être lucide. Il faut être lucide, la justice a horreur du vide. Nous avions plaidé l'acquittement en première instance, et donc l'appel s'est fait pour plaider l'acquittement. Acquitter David Otia, ça veut dire quoi ? Ça veut dire admettre une faillite de l'enquête, une faillite du juge d'instruction, une faillite de la justice, un crime qui concerne 5 personnes, qui est impuni, alors qu'une personne a, entre guillemets, avoué en garde à vue, c'était pas possible. Donc, pourtant, vous n'aviez rien à perdre, parce qu'il a pris la peine maximale. Vous ne pouvez pas prendre plus. Rien à perdre, mais sans doute rien à gagner. C'était une épreuve aussi pour David Otia, ce procès. Vous savez, se voir stigmatisé comme il l'a été, à juste titre, nul ne le sait, c'était très compliqué à assumer. Donc, il a finalement préféré renoncer à cet appel, c'est son droit le plus strict d'interjeter appel ou d'y renoncer. Et vous, comment vous l'avez vécu ce procès ? Parce que pour vous, en tant qu'avocat, c'était pas facile quoi, comme position. Écoutez, je l'ai vécu. C'était très compliqué, c'était très lourd. Et ce qui m'a frappé, c'est que finalement, la justice en rajoute. Les faits étaient déjà suffisamment tristes pour qu'on n'ait pas besoin d'en rajouter. Or, quand la cour d'assises a fait le curriculum vitae de David Otia, on a essayé de le décrire comme un homme qui avait un parcours, un passé violent, et c'est complètement faux. Il y avait un malheureux vol de sandwich, et il s'était engueulé une fois avec une voisine par-dessus le mur de séparation. Enfin, il y avait 3 fois rien, et on voulait que cela établisse, que ce passé puisse conduire logiquement au crime qu'on lui reprochait. J'avais trouvé ça très exagéré. Je m'étais dit que l'objectivité n'était pas toujours la première des vertus judiciaires. Et ce reportage de 7 à 8 qu'il accable et qu'on a montré au procès, vous avez senti que c'était un élément terrible ? Ce fut un moment absolument terrible et pathétique, puisque la chose qui est certaine, c'est que la pauvre Alexandra Otia, je crois qu'elle s'appelait plus comme ça, ils sont plus ensemble, ils sont divorcés, avait sans doute, dans une espèce de fuite en avant, mal maîtrisée, était pleine d'aplomb devant les journalistes, et a posteriori, cet aplomb, alors qu'elle savait que les flactifs, en tout état de cause, n'étaient pas partis pour une croisière, mais avaient été bien et bien définitivement disparus, était terrifiant. C'était un moment tragique. L'un des aspects marquants de cette affaire, c'est aussi l'intervention du couple Aremza dans les médias. On va écouter une archive qui revient sur un cas qui n'est pas isolé d'ailleurs dans les affaires judiciaires. Il arrive parfois que les gens impliqués viennent témoigner face à la caméra pendant l'enquête. Et c'est un criminologue qui essaie d'analyser ce geste. On l'écoute, on commente après. Il faut être très très maître de ce moment de communication macabre, en quelque sorte. Ça veut dire que là aussi, c'est prémédité, c'est pensé, et qu'ils se savent extrêmement coupables pour être aussi déterminés, en quelque sorte, à jeter et à mentir donc aux journalistes et donc à la population générale, à l'opinion publique, mais surtout à la justice. Ça fait partie de la sortie de crime, en quelque sorte, ça fait partie de leur processus criminel, de façon à se faire oublier, à désorienter les enquêteurs. Un élément nouveau, voilà, j'étais en train de poser la question à Luc Brosselet, notre avocat invité, je lui disais, mais comment s'appelle cet élément nouveau? Ben, ça s'appelle tout simplement un élément nouveau. Est-ce que vous pensez que, on viendra sur ce qu'on vient d'entendre, mais puisqu'on en parle, qu'un élément nouveau pourrait arriver, qui pourrait prouver autre chose que ce qui était... Personne ne peut dire le contraire. On a bien vu que 15 ans après, dans l'affaire, je crois, dite du pont d'Anières, le véritable coupable a avoué qu'un homme était en prison depuis 15 ans pour des faits qu'il n'avait pas commis. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors, je reviens sur ce qu'on vient d'entendre. Là, vous vous souvenez évidemment de, je crois que c'est Patrick Henry, qui avait tué un enfant en 1974, et qui disait, mais celui qui a fait ça, il faut le condamner à mort. Donc, il y a des gens qui sont impliqués et qui viennent témoigner comme ça. Comment on peut analyser ce genre de comportement? Je laisse à l'expert qu'on a entendu, il doit être meilleur psychologue que moi, je laisse la responsabilité de ses explications, mais comment dire, je crois que dans le cas de David Otia et de sa compagne Alexandra, il y a peut-être eu le désir de favoriser la thèse de la fuite. Peut-être. En passant ça, par, d'un point de vue factuel, ça s'explique assez bien. Alors, vous avez, vous le voyez encore, David Otia? Oui, je suis en relation avec David Otia. Comment va-t-il? Il va comme un homme qui purge sa peine le mieux possible, en travaillant, en s'enrichissant intellectuellement. Je vous pose cette question parce que, finalement, pendant ces 20 minutes, nous avons parlé, ce que j'ai entendu comme message, prégnant, c'est qu'il y a un homme en prison aujourd'hui qui ne devrait peut-être pas l'être, en tout cas pas si longtemps. C'est ça que vous voulez me dire? Je pense, de toute façon, qu'il n'y a pas d'assassinat, c'est-à-dire un homicide avec préméditation. Dans la thèse la plus défavorable à David Otia, c'est un homicide volontaire sans préméditation. Or, on a retenu l'assassinat, ce qui rend les faits horribles, alors que si ce n'est pas un assassinat, c'est très triste, c'est affreux aussi, mais c'est pas la même chose. Donc, condamné à perpétuité avec remise de peine possible, comment ça se passe pour lui? Il a une peine de sûreté, donc de toute façon, il n'y aura pas de... Avant 20 ans, c'est ça? Oui, donc... il n'y aura pas de mise en liberté avant 20 ans, donc il a été mis en détention en 2003, je crois que en septembre 2003. Pas avant 2023, s'il y a libération. Pas avant 2023, entre état de cause. Je vous remercie, Luc Brosselet. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous étiez chargé de la défense de David Otia. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.